Séraphine Akizemana sur la mise en onde au micro, c'est Vestine Boutoui. Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée de ce mardi dont voici les grands titres. Désormais, les récalcitrants à la mesure portant démolition des constructions anarchiques en mairie de Bujumbura vont payer une amende allant de 100 000 francs burundais et plus. Et en province Ngozi, des enseignants n'ayant pas un document attestant son état de santé par rapport au coronavirus se sont vus refuser le droit d'accéder au milieu de travail. Et la chronique santé de ce mardi parle des déformés traitements de la paresthésie. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La page santé débute ce journal. Plus de 150 élèves, enseignants et policiers confondus en formation se sont donné rendez-vous au stade d'Agasaka jusqu'à 10h pour le dépistage du Covid-19. Ce dernier jour donné aux élèves et enseignants des écoles à régime d'internat. Certains enseignants qui s'étaient présentés sur le lieu de travail sans document attestant leur négativité à cette pandémie ont été obligés à rebrousser chemin pour s'en procurer des informations émanant de ce lieu de dépistage par les deux cas positifs, même si le nombre exact reste inconnu, Apollinaire Muzagara. Vers 10h de ce mardi, ces élèves et enseignants étaient aux environs de 100 au stade Agasaka, du chef-lieu de la province Ngozi, pour se faire dépister le Covid-19. Il y avait également pas mal d'autres policiers en formation au centre d'instruction du commissariat Ngozi, ainsi que des fonctionnaires estimés au total à une cinquantaine. Certains des enseignants étaient allés au service sans se faire dépister. C'est le cas des professeurs et autres membres du personnel non enseignant de l'école paramédicale d'Ongozi et autres. Mais la direction leur a obligé le retour pour être dépisté. L'équipe médicale dépêchée pour cette activité parle d'une faible affluence comparativement et aux personnes dépistées hier lundi. Ces infirmiers ont travaillé jusqu'aux environs de 19h à ce stade. C'était des élèves en grande partie qui se précipitaient pour regagner l'école après les vacances. Parmi ces élèves, policiers et autres dépistés au Covid-19, figurent des cas testés positifs, même si l'effectif reste inconnu. Mais certains sur place, depuis hier, parlent de 5 à 10 cas pour 100 personnes dépistées à ce centre d'Agasak, d'Ongozi, à Pone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci. Apollinaire Muzagara, en page justice, et les bacheliers ont droit de s'inscrire au sein de l'ordre des avocats. Réaction de Jean-Paul Chimilimana, représentant légal de l'Association des volontaires pour la sensibilisation et la promotion des droits pour le développement durable. Et cette réaction survient après l'annonce du bâtonnier de Bujumbura selon laquelle les bacheliers en droit sont exclus. Suivez-le. Premièrement, nous voulons signaler que ce n'est pas le nombre d'années qui fait qu'on obtienne le diplôme, mais c'est le nombre de crédits consommés. Si le gouvernement avait évolué dans le système éducatif en 2011, avec ses avancées éducatives, le gouvernement a jugé bon de promulguer une autre loi en 2011 instituant le nouveau système éducatif de l'enseignement supérieur, baccalauréat, master, doctorat, d'où pour éviter des spéculations à l'encontre des uns et des autres, et le gouvernement via le décret numéro 100/65 18 mars, le président de la République a décrété ce décret qui porte équivalence entre les diplômes délivrés dans l'ancien système, conformément à la loi de 1999, celui de licence, master, doctorat, avec les diplômes qui sont délivrés dans le nouveau système, baccalauréat, master, doctorat. C'est à l'article 6 de ce décret qui précise bien que les diplômes de baccalauréat sont équivalents au diplôme de licence en droit. Au niveau de la loi régissant la profession d'avocat au Burundi, c'est la loi de 2002. Au sein de la VSPDD, nous signalons que c'est à l'article 7 qu'on précise ça. Il faut qu'on applique la loi en place. Et cette loi qui marque l'équivalence du diplôme, et ici nous signalons que nous avons eu gain de cause dans un procès que nous avons intenté devant la cour d'appel de Bujumbura mairie, d'où en date du 14 mai 2021, il y a eu est sorti d'un verdict où la cour d'appel a ordonné l'inscription immédiate des bacheliers en droit ayant déjà déposé leur candidature à la profession d'avocat. Cette décision, ils le savent bien, devient ipso facto et la jurisprudence que les deux barreaux doivent respecter. Nous invitons le Barreau de Bujumbura d'organiser la prestation de serment pour les premiers bacheliers ayant déjà subi le processus d'enquête de moralité. Et en page sport, lancement officiel des matchs comptant pour la Ligue des champions européens édition 2021 est prévu le soir de ce mardi. La formation britannique Manchester United va visiter celle de Young Boys de Suisse au moment où l'équipe espagnole Villarreal va accueillir la formation italienne Atalanta Bergame. Et le match le plus attendu pour les amateurs de ballon rond est celui qui va opposer le FC Barcelone et de l'Espagne et le Bayern de Munich d'Allemagne. Et ce match sera retransmis en direct sur les ondes de la radio Isanganiro à partir de 21h. Isanganiro, la radio de l'avenir. Et des habitants de la commune Nyabiraba en province Bujumbura se plaignent d'une contribution obligatoire de 2000 francs burundais par chaque ménage. Ces derniers expliquaient qu'il y en a même des indigents qui ne peuvent pas avoir cette somme. C'était ce lundi lors de l'émission Aïwanyu Havugoma qui, selon l'administrateur communal, cette décision émane du conseil communal en vue de construire une école technique dans cette localité. Les détails avec Médar Nyongour. La collecte de 2000 francs par ménage en commune Nyabiraba n'est pas tombée du ciel, mais plutôt le conseil communal s'est réuni et voté en vue de construire une école technique. Parmi la population de la commune Nyabiraba, certains contestent cette collecte car, selon elles, la somme de 2000 francs est énorme alors que leur source n'est pas crédible. L'administrateur de la commune Nyabiraba a précisé que la somme de 2000 francs par ménage va aider dans la construction d'une école technique dans le programme des œuvres communautaires. On est en train de construire une école technique à quatre niveaux. C'est une école qui se construit dans les travaux communautaires. C'est ce qu'on appelle œuvre communautaire. Donc, on a voté dans le conseil communal cette décision de demander la contribution à la population qui ne dépasse pas 2000 francs par ménage pour pouvoir continuer les activités. Par rapport à la population qui ne possède pas cet argent, l'administrateur communal est tranquillise et précise que l'administration ne peut pas collecter de l'argent aux indigents. Si une personne est indigente, elle possède une attestation d'indigente délivrée par l'administrateur communal. Alors, l'administrateur communal qui a déjà délivré cette attestation d'indigence ne peut pas revenir demander de l'argent à une personne indigente, alors que c'est lui-même qui a déjà délivré cette attestation. C'est pour vous dire que une personne indigente ne va pas payer. Ferdinand Simbananié, administrateur communal de Nyabiraba, lance un appel aux natifs de cette commune de prêter main forte au développement de leur commune, car personne ne le fera à leur place. L'appel que je lance à la population de la commune de Nyabiraba, c'est de, premièrement d'aimer leur commune et de prêter main forte pour son développement. Parce que ce ne sont pas les étrangers qui viendront développer notre commune. La population doit savoir que c'est elle-même qui doit s'y mettre pour pouvoir développer leur commune. Parmi les 7 lycées que possède la commune Nyabiraba, on n'enregistre aucune école technique et cette école en marge de construction sera une école à étage de 3 niveaux. Radio Isanganiro, chronique santé. Les paresthésies peuvent être un signe précurseur des maladies telles que le diabète, le cancer et la paralysie. Le neurologue Rémi Hagelimana explique que la détermination de la pathologie d'origine constitue le point de départ d'une prise en charge thérapeutique. Les personnes souffrant de fourmillements intempestifs ont souvent recours à l'homéopathie pour soulager l'inconfort ressenti. Yvette Nijimbe. La sensation des fourmis peut être manifestée sous plusieurs formes. Elle survient dans un territoire déterminé selon la maladie qu'elle veut manifester. Le neurologue Rémi Hagelimana indique que ces fourmillements peuvent même attaquer tout le corps. On sait très bien que le diabète est très pourvoyeur de paresthésie. Et le diabète se manifestera finalement, sera découvert à l'occasion des paresthésies. Ça vous dira qu'il y a des paresthésies au niveau des pieds, au niveau des doigts, éventuellement au niveau de la bouche, et ainsi de suite. Ces paresthésies peuvent être aussi dues à des infections, comme le VIH, comme une hépatite virale B, et surtout virale C, mais aussi d'autres maladies qu'on n'a pas souvent ici, qu'on appelle la maladie de Lyme. Et ça peut être dû aussi à d'autres maladies générales, ce qu'on appelle les vascularites, ou surtout dû à ce qu'on appelle syndrome paranéoplasique, c'est-à-dire un cancer qui se trouve quelque part et qui finalement donne des réactions immunitaires qui vont se propager dans tout l'organisme et vont provoquer des paresthésies. Paresthésies peuvent être aussi dues à peut-être une compression nerveuse, surtout au niveau lombaire, qui vont comprimer les nerfs qui vont au niveau des membres inférieurs et ça va provoquer la maladie du nerf sciatique que le patient vous décrira comme paresthésie qui va de la partie externe de la fesse, partie externe de la cuisse et de la jambe jusqu'au niveau des orteils et qui pourront peut-être s'exprimer sous forme de brûlure. Mais dans le cadre de cette compression nerveuse au niveau du rachis, ça peut être au niveau cervical. Le malade aura ce qu'on appelle névralgie cervico-brachiale. Suivant les éléments recueillis au moment de l'interrogatoire auprès du patient, un médecin spécialiste déterminera quel examen prescrire au patient. Le médecin qui pourra donc, suivant les éléments recueillis à l'interrogatoire, suivant les éléments recueillis au moment de l'examen, parce que le patient te dira, moi j'ai les paresthésies à tel endroit. Et vous, médecin, surtout neurologue, connaissant le fonctionnement du système nerveux, à partir de l'endroit où le patient vous dit qu'il a des paresthésies, vous allez faire l'examen de façon conséquente et probablement définir le trajet ou l'origine de ces paresthésies. Les enfants peuvent avoir des paresthésies. Rémi Hagelimana indique qu'un examen d'urgence doit être fait pour déterminer quel type de maladie a cet enfant. Ça dépendra de la maladie en cause. Le diabète, vous savez, à un moment donné, on pourrait se dire que le diabète, c'est une maladie de personnes âgées, mais on sait habituellement qu'il y a un diabète juvénile, qui est souvent un diabète familial. Et en ce moment-là, vous pouvez avoir un enfant qui a quelques années, bon, peut-être 10 ans, 15 ans, qui a déjà des paresthésies. On peut prescrire des médicaments pour un patient atteint des paresthésies pour diminuer les douleurs. Toutefois, Rémi Hagelimana propose un traitement de la maladie qui cause ces fourmillements. La prévention des paresthésies n'est possible que si le patient se fait consulter et savoir quelle prévention faire face à la maladie dont il est atteint. Merci Yvette Nijimbele. Et en bonne gouvernance, le pléthore du personnel de faible performance dans les sociétés publiques et des sociétés à participation publique. Un des défis qui cause la non-rentabilité de ces sociétés, selon les directeurs de l'ONATEL et de la SOCABOU, lors d'une réunion d'évaluation de la rentabilité de ces sociétés au Trésor public ce mardi, Alain Guillaume Mbougnoni, Premier ministre, trouve plutôt que certaines sociétés sont incompétentes. Il y donne l'exemple de la Régie des eaux qui enregistre des retards dans la facturation depuis 4 mois. Quant aux effectifs élevés du personnel non expérimenté, le Premier ministre place la familiarité à l'origine de cette situation. Pour lui, la récréation est terminée. Toujours en bonne gouvernance, une amende allant de 100 000 francs burundais et plus sera taxée à ceux qui n'ont pas encore exécuté la mesure de démolition des constructions anarchiques. Ces derniers payeront aussi la facture de tous les travaux de démolition que la mairie de Bujumbura prendra en charge dans une réunion de ce mardi avec les administratifs à tous les échelons. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, a déploré les menaces de mort subies par certains chefs des quartiers. On l'écoute. Cette réunion fait suite aux multiples descentes qui ont été effectuées par le ministre en charge de l'intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Alors, le constat a été amer, c'est vrai, pour certains, mais pour d'autres, c'est bon, ils ont exécuté à plus de 80%, c'est une bonne chose. Alors, pour cela, pour ces récalcitrants qui n'ont pas obéi à cette mesure, nous devons leur infliger une amende allant de 100 000 au-delà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cette mesure, cette amende, d'abord, on l'inflige à tout le monde qui n'a pas respecté cette mesure. Et deuxièmement, nous devons nous-mêmes aller à faire ces travaux avec nos moyens et nous devons présenter la facture ou le reçu des travaux à celui-là qui n'a pas respecté les travaux qui étaient dont il était question. Alors, donc c'est comme ça que nous devons opérer cette activité. C'est bien dommage que beaucoup de gens sont victimes parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre l'activité ou le bon sens de cette activité. Et terminons ce journal par cette actualité internationale. La République démocratique du Congo, journée ville morte ce lundi le 13 septembre à Beni, dans la province congolaise du Nord Kivu, sous état de siège depuis 4 mois. Cette journée ville morte qui devrait se poursuivre ce mardi à l'appel de la société civile. Cette dernière s'insurge à présent contre la criminalité urbaine qui frappe durement les populations depuis l'instauration de l'état de siège, comme nous le trouvons sur le site de la Radio France Internationale. Cette mesure qui fait polémique dans le pays devrait être renouvelée pour la 8e fois ce mardi par l'Assemblée nationale. Et en Guinée-Conakry, en visite de travail lundi à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel a souhaité que les civils reviennent au pouvoir dans un délai raisonnable en Guinée. Il s'est toutefois réservé le droit de donner un délai, indiquant que c'est aux Guinéens de décider de cette transition qui sera accompagnée par son organisation et ses partenaires de l'UEA et de la CDAO. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizimana pour sa parfaite collaboration. Vestine Auto, j'étais à la présentation. Au revoir, bon après-midi.